Les mots sont une musique qui nous perce le cœur. Ils ne sont qu'un reflet, une image un peu floue. Chacun de nous les prend et suivant son humeur, l'émotion vient parfois nous en serrer le cou. Les mots, ce sont des larmes qu'on n'a pas expulsées. Les mots, ce sont des joies que l'on voudrait surprendre. Les mots viennent de l'âme où ils sont prisonniers. Il faut ouvrir son cœur pour que les mots s'entendent. Certains nous font du mal et perdre la raison, mais les mots que l'on dit ne sont pas toujours cons. Même si les mots mentent, c'est qu'au fond on y croit. Faut pas se voiler la face, il faut pas être aveugle. Quand la vie nous embarque, on ne sait jamais d'où elle nous attire à elle comme le courant d'un fleuve. Parfois elle vous noie au milieu des remous. À notre vie, ils nous entraînent parfois sur des chemins bizarres. Lorsque l'on comprend mal ce que les mots ont dit, ce qu'ils provoquent en nous est le fait du hasard. Les mots d'amour, de peur, de tendresse ou colère ont tellement de force, de puissance lorsqu'il tombe, on se laisse emporter. De joie, d'humeur guerrière, on devient amoureux. Par les mots, on succombe. Les miens ne sont rien d'autre que des morceaux de vie. Les mots sont une musique qui nous perce le cœur. Ils ne sont qu'un reflet, une image un peu floue. Chacun de nous les prend et suivant son humeur, l'émotion vient parfois